نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلازلنا مع كتابنا عند العقيدة عند أهل السنة والجماعة وقد تقدم معنا ذكر بعض الخصائص فوصلنا إلى أن أهل السنة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc nous sommes arrivés au point où les gens de la Sunna, ce sont les gens qui recommandent le bien et les gens qui réprouvent le mal. أهل السنة والجماعة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو من أعظم أصول الدين ولكنهم يقومون به على ما توجبهم الشريعة فيلتزمون في نفس الوقت أصلا آخر وقاعدة أخرى عظيمة هي الحفاظ على الجماعة وتأليف القلوب واجتماع الكلمة والنبذ التفرق والاختلاف فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. Donc les gens de la sunna du consensus, ce sont eux qui recommandent le bien, réprouvent le mal. Ce sont eux les gens de cela. Car recommander le bien et réprouver le mal fait partie des bases les plus importantes de la religion. Mais bien sûr, ils le font comme la charia le demande. Ils le font comme la législation islamique le demande. Donc ils vont avec cela être assidu et faire attention à une autre base, un autre fondement et une autre règle importante qui est le fait de protéger le groupe, et de réunir les cœurs et de se rassembler par rapport à la parole de vérité. Et ils vont bien sûr tout faire en sorte pour que ne pas se diviser et ne pas amener donc la dissension et la division. Ils vont se repousser tout cela. Donc, Cheikhoul Islam dit, rahmatullah alayhi, ils ordonnent le bien, ils réprouvent le mal comme la charia l'oblige. Et ils voient qu'il faut faire le hajj, la jihad, les jumu'ah, donc le jumu'ah, ainsi que les fêtes avec les émirs, ma'al umara, qu'ils soient pieux ou qu'ils ne soient pas pieux. Et ils protègent les groupes. Et bien sûr, donc, ils ont comme devise dans leur religion le bon conseil pour la communauté. Nasiha lil umma. Et à partir du moment qu'en réalité, si le bon conseil continue tout le temps dans la communauté, donc c'est le fait de recommander le bien, de réprouver le mal, d'apprendre aux gens où est le halal et où est le haram. Qala rahmallah min al-amr bil ma'ruf, al-amr bil ittilaf wal ijtima' wal nahy an al-ikhtilaf wal furqa. Donc il dit aussi, rahmallah, parmi le fait de recommander le bien, c'est le fait de recommander donc l'entité et le groupe, l'ijtima, le rassemblement, l'ittilaf, que les gens donc soient ensemble. Et l'interdiction de la division et donc de la dissension, le fait d'être divisé. C'est ça en vérité. Parce que quand tu recommandes le bien, tu recommandes que l'islam. Quand tu réprouves le mal, tu réprouves ce qui n'est pas parti de l'islam. Tu ne fais rien d'autre. Donc, normalement, tu dois unir par rapport à cela. فَأَهْلُ السُنَّةِ قَدْ حَمِلُوا عَلَىٰ عَاتِقِهِمْ مُهِمَّ مُقَوَّمَةِ الْمُنْكَرِ وَجِهَدُ الدُّعَاتِ إِلَيْهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَمَنْ آزَرَهُ مِنَ الْفَاسِقِينَ وَالْعَمَلْ عَلَىٰ إِضْعَافِ شَنِ أَهْلِ الْغَيْبِ وَالْفَسَادِ تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Donc les gens de la sunna, donc ils vont porter sur leurs épaules l'importance de bien sûr réprouver le mal et de faire des efforts. Donc c'est-à-dire dans la da'wa, dans la prêche, tous les efforts contre ceux qui prêchent à cela, les doigts de cela, parmi donc ceux qui sont prêcheurs du mal, parmi les hypocrites, et parmi aussi ceux qui les ressemblent, donc parmi les fasiqin. Et de faire en sorte que les gens du doute et du fesed vont devenir faibles. Donc en vérité, les gens donc, doivent connaître la science, et il n'y a que la science religieuse en vérité qui peut faire face aux mauvaises da'wah. Et cela sera mis en pratique d'après le verset où Allah Azza wa Jalla dit donc qu'il y ait parmi vous donc un groupe de personnes qui appellent au bien et qui recommandent le bien, interdisent le mal, ce sont eux les gagnants. Fahum min bayni sa'il an-nas qad nadharu anfusahum li muharabat al-munkarat wa ahliha wa inkariha aw muharabat al-munkarat وأهلها وإنكارها وبيان حرمتها وخطرها وأمر الناس وضدها من الخير والبر والمعروف. Donc les gens de ceux qui font partie de ces gens-là, donc ils se sont bien sûr promis, ils ont fait la promesse en eux-mêmes du fait que ça fait partie de l'obligation de celui qui appelle à l'islam de être en guerre entre guillemets contre al-munkarat, c'est-à-dire en vérité de bien sûr de prêcher contre ce qui est mauvais ainsi que les gens qui sont mauvais, c'est-à-dire et de réprimander ce qui est mauvais. Ida ja yani fi dinillah azza wa jal shay laysa min dinillah azza wa jal yajib ala al-da'i ala al-imam ala al-'alim an yuharib hada shay alladhi la asla lahu fi al-islam. Donc il doit montrer à quoi le caractère sacré, c'est-à-dire l'interdiction de cela, ainsi que le danger de ça. Et il va ordonner les gens contre son contraire, parmi le bien, et parmi sur l'obéissance, et ce qui est connu. C'est pour ça qu'on dit « al-ma'ruf », parce que c'est connu dans l'islam. Ou « al-munkar », c'est inconnu dans l'islam, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. « Wa idha kana Allah azza wa jal qad allaqa khayriyat hadhi l'umma ala l'amri bil ma'ruf » والنهي عن المنكر والإيمان به سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la relation entre la suprématie de la communauté, le meilleur de la communauté, avec quoi? Le fait d'ordonner le bien, de réprouver le mal et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, vous êtes donc vous étiez la meilleure communauté qui a surgi de chez les gens. Ukhrijat linnas wa laysa kharajat 'ala an-nas kama yaz'amu al-ba'd alladhina yuridun al-khuruj yani fi sabilillah. C'est qui sont surgis et qui font partie des gens mais qui sont différents. Donc ils sont surgis de parmi les gens et ne sont pas sortis chez les gens comme le dit. Regardez, on a un délit, ils disent. Ça c'est pas un délit pour ceux qui connaissent l'arabe. Vous ordonnez le bien et vous réprouvez le mal et vous croyez en Allah. Voici donc ce que Allah nous dit. Si réellement on va recommander le bien, réprouver le mal et croire en Allah, donc on est les meilleurs. Comme annahu subhanahu qad imtadaha al-mu'minina biqiyamihim bihadha al-wajib al-'azim. Comme warada dhalika fi qawlihi ta'ala wal-mu'minun wal-mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'ani al-munkar. Donc ici aussi Allah subhanahu wa ta'ala donc il vante et donc loue, cite vanter les mérites de ceux qui mettent en application cette obligation et cet acte important lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils recommandent le bien et interdisent le mal. Donc il y a de plus de cette façon, parce que si réellement on s'aime bien donc les uns envers les autres, on est obligé en vérité de se rectifier les uns les autres. كان ذلك كذلك فلا شك أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب القدح المعلى والنصيب الأوفر في هذا الباب إذ هم خير هذه الأمة وأفضلها. Donc bien sûr, on voit bien que les gens de la Sunna, normalement, il n'y a pas de doute par rapport à cela, que les gens de la Sunna, ce sont eux qui vont donc bien sûr avoir, donc qui méritent le plus de faire, justement, de mettre en pratique cela, et qui auront la plus grande part dans le fait de recommander le bien et de réprouver le mal. Car ce sont les meilleurs de cette communauté. Car ce sont les meilleurs de cette communauté. Comme il y a des gens qui disent, « Voilà qu'il y a des haram, il y a des da'wah. Il y a des gens qui disent, « Je sais, mais je suis en train de faire ça. » Il y a des gens qui disent, « Il y a des gens qui disent, « Il y a des gens qui Donc, des fois, des gens appellent à l'islam, et pourtant, lorsque les gens les préviennent que ces actes-là sont interdits, des fois, ils disent, « Je le sais. » Mais c'est parce qu'ils veulent se débarrasser de toi. Il dit, je le sais, mais plus tard, parce que j'ai un but précis. Parce que Zama, j'ai une façon de faire. Il s'imagine que le tartite, la façon de faire, c'est lui qui doit la choisir. Alors qu'on sait que, hein, dawa, tawqifia. Dawa, c'est une ibada. Fahia, il y a une tawqifia. Dawa, la prêche à l'azaj, c'est une adoration. Et elle est tawqifia, elle s'est arrêtée. À quoi? Au shara, à la sharia, au texte du Coran et de la sunna. Wa man ittala'a على سيرة أئمة أهل السنة وتاريخهم ظهر له هذا الأمر واضحا جليا وعلم أن أهل السنة لا يتركون هذا الواجب حتى لو أصابهم الأذى في سبيل ذلك. Ceux qui lisent l'histoire des imams, des gens de la Sunna, donc leur biographie ainsi que l'histoire, ils verront bien donc cette chose-là de façon la plus claire. Et ils verront bien que les gens de la Sunna ne les délaissent pas cette obligation, même si bien sûr ils vont subir. Même à Kulhel, s'ils doivent subir par rapport à cela. Kana Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahmallah yakhruju bi talamidhihi fa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'an al munkar wa yaduruna 'ala al khamarat wa al hanat fa yaqsiruna awani al khumur wa yashqifuna al dhuhur ويعرضون يعني أهل الفواحش وقد قاموا بالتأديب أهل الجبل المعروفين بنصيرية وألزموهم بأحكام الإسلام الظاهرة كما كان له رحمه الله ولأتباعه دور عظيم في دفع التتار في الشام. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله avec ses élèves, donc bien sûr on peut revenir ici donc à Tabaqat al-Hanabina ainsi que Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Donc, il sortait avec ses élèves et il recommandait le bien et réprouvait le mal. Et s'il voyait donc des endroits où les gens buvaient de l'alcool, il cassait. Donc, il se permettait de pouvoir, bien sûr, casser cela. Donc, il cassait cela. Et que ce soit donc les verres ou bien les récipients et la khéline. Et aussi, donc, ils donnaient les punitions à qui méritait la punition. Et ils ont donc corrigé Al-Nusayriya, qui est bien sûr une secte kafira, Al-Nusayriya, qui se disent que donc qui voient en réalité donc une sorte de trinité dans l'islam, qui sont maintenant actuellement en Syrie. Et ils voient entre guillemets la trinité en islam, l'alcool chez eux c'est spirituel. Donc ils ont, oui, mais ils arrivent à une certaine trinité. Et c'est clair que c'est des Batiniens, c'est clair que ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des koufars. Hatta Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rapporte par rapport à eux le fait de dire que lorsque quelqu'un avait son cheval malade, il ramenait au bord de la tombe, hein, auprès des tombes des Nusayriya, afin que le cheval entende les châtiments de la tombe et pousse un grand cri. Donc il avait tellement peur que lorsque lui venait une grande fièvre, et la fièvre après la fièvre, en général, donc même la maladie qui était déjà auparavant, elle partait avec la fièvre. C'est comme ça qu'il raconte Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, pour montrer que Akulhay, ce sont, hein, bien sûr, les koufars. Ils les ont obligés de quoi? Donc ils les ont obligés de pratiquer l'islam. Bi ahkam al-islam al-zahira. Donc déjà, al-zahira, ahkam al-islam al-zahira, comme la salat, le hajj, l'akhir, ils ne le font pas. Et donc ces gens-là, ils voient justement donc le fait de cacher les secrets, l'akhir. Le jeûne, c'est cacher ses secrets. C'est-à-dire ce qu'il pense. Le hajj, c'est tourner autour, hein, des tombes. C'est d'aller voir les saints. Le salat, c'est quelques doigts. Il faut dire Ali, Fatima et l'arrière. Ada salat indahum. Donc il voit, après en plus il ne voit pas donc le prophète, il ne voit pas donc plusieurs prophètes. Donc voici nos salariés. Donc il les a corrigés chez Samitim Rachmanla. Il a aussi bien sûr eu donc un poste important, ou il a eu un rôle plutôt important, le fait de repousser Tatar Fishem. Le fait de repousser donc les Tatars qui sont entrés Fishem, et que c'est eux qui ont été donc à l'origine de la fin de l'Empire. Abbasite. L'enfant de l'Empire Abbasite. Aidé par qui? Par le ministre. Hein? C'est quoi ce ministre-là? C'est en plus un ministre, Rafidi, hein, qui a donné congé aux militaires pour laisser rentrer les autres. Donc voici le premier ministre, c'était comme ça. C'était le premier ministre, entre guillemets, sur le versant comme ça. À qui ils ont fait l'erreur de prendre des Rawafed. Ils ont fait l'erreur de prendre Akhel, ceux qui n'appellent pas l'islam. Donc Akhel aussi. Donc bien sûr, alhamdoulilah, il y a eu aussi le sabab. Donc le sabab, c'était pas bi-tadari bi-ani, on va dire, ou bien sabab, pourquoi? Parce qu'il y a éduqué les gens à quoi? À pratiquer l'islam dans tous les cas. C'est pour ça qu'ils ont gagné. C'est parce que quand ils ont voulu commencer à attaquer, et qu'ils ont commencé à vouloir adorer, à demander à des saints, à Abu Omar, il a bien dit, chez Samit Mir, il a dit que si réellement ils vont, donc ils invoquent Abu Omar pour qu'il leur donne la victoire, certes ils vont perdre. Donc déjà il connaît déjà, hein, déjà il les donne déjà même par rapport à ça, parce que là il ne va pas leur donner la victoire par rapport à ça. Comme ont perdu donc les compagnons à Uhud. Mais pourtant ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même péché. Les autres ils ont fait un ijtihad, tandis que les autres ils font un péché qui est vahir. Donc il y a une différence. Donc ils montrent, après ils ont gagné. Alhamdulillah, après donc ils ont gagné quand il fallait. Donc bien sûr par rapport à quoi? Donc voilà où il est موقف يعني عظيم المعروف مع السلطان يعني حين تاخر عن المجيء الى دمشق مع اقتراب التتار منها. Donc aussi donc on voit comment il était par rapport à cela. Après il montre donc le موقف qu'il a eu chez Saint Timia rahmatullah alayhi, donc par rapport au fait de recommander le bien et réprouver le mal. Et on a d'autres histoires par rapport bien sûr à cela. Donc كذلك dernier point, أهل السنة أقرب الناس أخلاقا موصوفون بالاستقامة في الهدي والسمت والسلوك الظاهر. Donc les gens de la Sunna sont ceux qui ont les plus nobles caractères. Ils doivent avoir les plus nobles caractères. Ils ont été connus pour ça à Tulhal à l'époque. Donc les gens de maintenant, ils doivent leur ressembler. Ils doivent avoir eux les plus nobles caractères. Ils sont connus pour être donc droits dans la religion. Dans, droit dans donc le comportement, hein, ce qu'on va voir donc de ce qu'il fait aussi, donc simple, ça en réalité, donc il sait quand est-ce qu'il parle, c'est quand est-ce qu'il souhaitait, et Mouhim, sa façon d'agir, ses manières, ses bonnes mœurs de façon générale, de ce qu'on voit, en tout cas de ce qui est apparent. Allah Azza wa Jalla dit que lamma qala Allah Azza wa Jalla madihan nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin adhim. Certes, Allah Azza wa Jal, donc, lorsqu'il a vanté son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, tu es doté d'un très noble caractère. Bikhilaf, yani, ma, yitakallam fihi, khasatan, yani, kuffar al-an. Spécialement, mécréant maintenant. Brigand, voleur, il a fait juste comme ça. Mais bien sûr, al-kafara, ils ne sont pas là pour nous aider. Donc, ils vont dire, mais voilà ce que les gens disent. On dit, voilà ce que les gens disent. Et tout à l'heure, c'était ça à la chaîne belge. Voilà ce que les gens disent. Nous, on nous dit ça, voilà, par rapport à ce qui se passe avec les minarets. Mais on n'a pas de gens là pour, on n'a pas de gens pour défendre. Et de toute façon, on ne cherche pas à défendre devant la télé. On simplement, on est à la télé et puis on s'en fout de ce qu'ils disent. Il ne faut pas être touché. Et ça, c'est la meilleure méthode. De ne pas souffrir de ce que le kafir dit sur toi. Tu es sûr d'être dans la vérité, donc tu ne te fatigues pas. Si déjà, il nous a pas demandé d'aller. D'aller commencer à faire des niqash avec les gens de la bid'a. Alors que dire, hein, des gens qui ne sont pas d'islam? C'est déjà Aslan l'Allah, Asil là-bas, qu'est-ce qu'il te reste? Khalil Yassut, le prophète, ça s'aime comme il le veut. Et puis il y aura son compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi lui-même, sallallahu alayhi, c'est comme ça qu'il faisait. Ça, justement, c'est contraire par rapport à ce qu'on sait. Hein. Donc ils vont toujours trop profiter. Il s'est marié avec Aïcha, elle était jeune. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et Mouhim, ils vont prendre un verset, ils vont dire voilà le verset qui dit qu'il faut tuer tout le monde. Ils vont jouer avec ce qu'il faut. Avec le musulman, il connaît sa religion, comme ça, il ne prend pas l'habitude d'accepter de boire les choubouhettes des gens. Ça, c'est n'importe quoi. Les musulmans qui vivent comme ça, ils sont encore. Ils sont comme lorsqu'ils ont commencé à faire la prière le premier jour. Ils n'ont pas changé dans leur religion. Ils sont juste en train de chercher un peu qu'est-ce qu'on dit sur nous. Alors lui, il a tout raté dans sa vie. La vérité, il a foutu sa vie en l'air. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, je suis venu pour compléter les bons comportements. Bimana, donc compléter, pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà des bons comportements. On a bien vu le comportement d'Abu Bakr et de Othman, par exemple, avant la plaine de Christ, avant qu'ils entrent dans l'islam. Ils avaient déjà donc des bons caractères. Et ça, il est venu pour affiner. Il est venu aussi pour compléter les bons comportements qu'avaient, par exemple, les juifs et les chrétiens qui ont réellement suivi leurs envoyés. Ou bien de ce qu'ils débrident, hein, les restes qui leur sont restés. De bons comportements qui ont appris par leurs envoyés. Et puis Nabi Sami est venu pour affiner. Et ça, c'est. Et là, en vérité, quand c'est affiné, non seulement dans le comportement, mais aussi dans l'ibadat. Parce que la prière qui est faite dans l'islam, par exemple, elle est meilleure que la prière qui a été faite dans d'autres religions. Hein, c'est-à-dire avant le prophète Mohammed Sami. La même chose pour tout. Là, le jeûne, même chose. Ce jeûne-là, il est fait de meilleure façon. En vérité, pour tout. Donc le pèlerinage, il a créé tout et sadaqat. Tout a été donc montré de la meilleure façon maintenant. Waqad nadabana Allah Azza wa Jal ila al-iqtida bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Et aussi le Nabi Allah Azza wa Jal qui nous incite à prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple lorsqu'il dit: certes, il y a pour vous dans l'envoyé d'Allah un très bon exemple pour celui qui espère Allah et le jour dernier et qui donc invoque ou évoque abondamment Allah et qui évoque abondamment Allah. Donc celui qui espère yarjou, c'est une espérance certaine, c'est pas juste dans le sens qu'on dit espère, c'est une espérance parce qu'il est sûr de rencontrer Allah et de se retrouver en face de lui le jour dernier. Inna ahla sunna wal jama'a hum hamalat mirath nubuwa fi janibiha il ilmi wal amali. ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي ولذلك فإن أخلاق النبوة من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم وهي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية والتي لا تقل أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهادي الذي اختص به الله عز وجل لهذه الفرقة الناجية بفضله ورحمته. Certes, les gens de la Sunna du consensus, ce sont eux qui portent donc cet héritage prophétique dans le domaine scientifique ainsi que le domaine donc de l'acte, du passage à l'acte. Et il n'y a pas de doute que donc les actes les plus importants, parmi les actes les plus importants dans le fait de suivre donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le fait de suivre donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il faisait, c'est justement donc le côté comportemental, car les comportements donc prophétiques, parmi la miséricorde, l'amour du bien pour les gens, le fait d'aimer que les gens donc profitent du bien et de patienter sur leurs mots et de patienter aussi sur ce qu'ils disent. Hein, donc ça fait partie justement de quoi? Donc les gens de la Sunna s'abreuvent en vérité donc de cette source là et ça fait partie de leurs caractéristiques dans leur comportement et leur façon d'agir, leur manière d'agir. Et bien sûr, ils ne vont pas donc délaisser ce comportement, par exemple pour le comportement de la science ou autre, car ça c'est équivalent. Ils connaissent la science et ils le mettent en pratique. Donc même si c'est du côté du comportement, ils ne vont pas le délaisser, alors que justement parce qu'ils vont mettre en pratique et ils vont le considérer aussi important que le reste. Donc il dit chez Saint Mutimia, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ba'athahu Allah ta'ala hudan wa rahmatan lil alamin. Fa innahu kama arsalahu bil ilm wal huda wal barahin al aqliya wa sam'iyya, fa innahu arsalahu bil ihsan ila an nas wal rahma lahum bil iwad was sabr على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد، كريم محسن، حليم صفوح، فهو يعلم ويهدي، يصلح القلوب، يدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا النعت الرسول، نعت الرسل كلهم. وهذه السبل، وهذه السبيل من اتبعه، وكذلك نعت أمته بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. Donc, chéri Sami Temia, il dit comment il est le prophète. Donc, il dit, l'envoyé d'Allah, Allah l'a envoyé, donc par guider, et miséricorde pour les mondes. Donc, il est, comme il l'a envoyé donc, par la science, l'a guidé avec les preuves, donc, les preuves qui sont de raison, l'aqliya et sam'iya, d'écoute. Quand on dit de raison, c'est-à-dire qu'on nous demande de regarder autour de nous, par exemple. Donc, ça, c'est l'aqliya. L'aqliya. Lorsqu'on nous demande de nous regarder comme on est en nous-mêmes, les choses dont l'âme peut comprendre, peut donc assimiler. Et Sam'iya, c'est ce qui d'écoute. Ce qui veut dire que lorsque Allah donc, il dit Sam'a al-Basir, si on n'avait pas eu de texte dessus, on n'aurait pas pu le savoir. C'est ça Sam'iya. Ça, c'est un exemple que je donne. C'est ça Sam'iya. C'est-à-dire que c'est les choses, ou bien ce qu'on a appris, comment on doit prier, comment ceci. On ne l'a pas inventé. C'est pas notre âme qui nous l'a ramené. Parce que l'autre, l'acte, il peut le comprendre. Parce que c'est des choses que tu vois en face de toi, par exemple. Donc aussi, il a donc envoyé, en tant que bienfaiteur envers les gens, donc il est mohsin, miséricordieux, sans demander de récompense, sans demander de retour. Miséricordieux, hein, bila iwad. Hein, donc il ne recherche pas de quelque chose en retour. Il est miséricordieux, tout simplement. Il patiente sur ce qu'ils disent, hein, et donc il le supporte. Et Allah l'a envoyé avec la science, la générosité, la douceur, donc savant et qui guide, aussi donc généreux et mohsin, donc bienfaiteur, doux et il pardonne. Et il enseigne aux gens et il guide, biznillah azza wa jal, et il arrange les cœurs, donc il nettoie, arrange les cœurs de la meilleure façon. Et il montre à ces cœurs-là ce qui va l'arranger, ce qui va en vérité l'amener à l'améliorer, à améliorer ce cœur-là. Que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, sans demander de retour. Bila iwad. Donc là, il explique de façon générale, donc de façon succincte, comment est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit après que cela, bien sûr, c'est le comportement de tous les envoyés. Et ceci est la voix de tous ceux qui suivent les envoyés. Et c'est pour ça qu'il dit. Alors, lorsqu'il a vanté donc sa communauté, il a dit donc certes vous étiez donc la meilleure communauté qui a surgi de par les gens. À cause justement de toute cette façon-là. قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في سلاسل حتى تدخلوهم الجنة. Il dit vous êtes les meilleurs des gens envers les gens parce que vous venez avec eux, donc vous venez avec eux comme s'ils étaient attachés, donc vous les tirez alors qu'ils sont enchaînés, mais vous les tirez où? Vers le paradis. Donc vous les emmenez vers le paradis. فَيُجَاهِدُونَ وَيَبْذُلُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لِمَنْفَعَةِ الْخَلْقِ وَصِلَاحِهِمْ. Donc ils font des efforts et ils le donnent de leur corps et de leurs biens afin de faire profiter les gens et d'améliorer leur situation. وَهُمْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ لِجَهْلِهِمْ. Et les gens de façon générale détestent cela parce qu'ils sont ignorants de cela. Général, quand tu ne connais pas où est le bien, tu ne sais pas que c'est un bien, donc tu n'arrives pas à comprendre. Tu penses que. Voilà. Comme a dit Ahmed dans sa khutbah, Alhamdulillah, alladhi ja'ala fi kulli zaman fatra min ar-rusul, baqaya min ahli al-ilm, yad'una man dalla ila al-huda, wa yasbiruna minhum ala al-adha, wa yuhyuna bi kitabillahi al-mawta, wa yubassiruna bi nurillahi ahli al-ama, fa kam min qatil al-iblis qad ahyuh. وكم من ضال تائه قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس واكبر اثر الناس عليهم الى اخر كلامه. L'imam Ahmed il dit, et ça c'est une khutba qui est connue, donc lorsqu'il a dit dans une prêche, l'imam Ahmed, Alhamdulillah, louange à Allah, celui qui a fait dans tous les temps donc des envoyés, donc c'est-à-dire le reste, dans le sens de Baqaya, donc il va toujours rester une minorité, une catégorie de gens qui sont les gens de science, qui appellent ceux qui sont égarés vers la guidée. Donc il dit, Baqaya, comme quoi en vérité, parmi les musulmans, donc il y a toujours, donc ce sont en vérité les héritiers, et les rares héritiers des envoyés d'Allah. Rahmahumullah. Donc ici, Ils vont guider ceux qui sont égarés vers la vie. Donc ils vont montrer la voie. Ils vont appeler ou prêcher ceux qui sont égarés vers la voie. Ils vont patienter sur, donc ils vont patienter contre leur mal. Parce que le djihad, facilement, il peut donc faire du mal, ne serait-ce que par toute insulte élémentaire. Le fait que. Le djihad, en général, c'est Aulanes bi fi'l un char. Mais plus l'ignorant, c'est justement c'est ceux qui sont les plus propices à faire le mal. L'alim, il se retient. En général, l'alim, on ne le connaît pas pour être quelqu'un de mal, de façon générale. Parce que le djihad, il ne sait pas. Donc lui, il ne fait pas la différence entre ceux qui est bien et ceux qui n'est pas bien de façon générale. Ils vont donc faire revivre par le livre d'Allah Azza wa Jalla le mort, car il est considéré par mort par son ignorance. L'ignorance est considérée justement dans le Coran, justement par la mort. Comme hein, ou bien, par exemple, aussi, lorsque le hadith du prophète qui montre que la terre elle est morte et qu'elle vient revivre, elle revit par justement le ilm. Et il montre aux gens, donc il montre la vérité aux gens, ou bien donc ils vont faire que les gens ils vont voir avec la lumière d'Allah Azza wa Jalla, qui est la science bien sûr, donc les gens qui étaient donc aveugles à l'origine, et il leur donne une vue, qui est la vue donc de la science. Et combien donc gens dont Iblis a tué, ils ont fait revivre, combien de gens qui sont fait tuer par Iblis ont été revivis, et combien de d'égarés donc a été guidé par eux. Et leur trace, donc en vérité leur influence, c'est la meilleure influence qu'ils puissent avoir justement sur les gens. Et que belle est l'influence donc de ces servants sur les gens, et que mauvaise est l'influence des gens sur eux. Si les gens auraient une influence sur elles, seraient mauvaises. C'est pour ça qu'eux, ils sont rouraba, indemnes. Ils sont même chez les gens d'Islam, rouraba, ils sont donc étrangers. Parce qu'ils sont à un niveau qui n'est pas justement du niveau des gens, donc ils ne pourraient pas en vérité vivre avec eux. Comme ça, tout le temps avec ceux qui n'ont pas science, parce que ça n'irait pas. Donc jusqu'à la fin de la parole. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safasifaha. Donc Allah Azza wa Jalla aime donc les beaux comportements et déteste les mauvais. Wa huwa yuhibbu al-basar. Afwanam. Al-basar al-nafidh, yani 'inda urud al-shubuhat. Donc ici, Allah Azza wa Jalla aime le quoi? Donc on va dire celui qui est clairvoyant lorsque les choubouhats viennent. Un d'aurou de choubouhats. Le fait que les choubouhats, elles viennent. Les ambiguïtés. Il suffit de voir, depuis tous les événements qu'il y a maintenant, les gens, ça leur suffit. Ils ont la télé, ils s'imaginent qu'avec tel qana, là c'est l'ilm. On invite qui on veut, c'est il faut faire du chiffre, parce que c'est une chaîne de télévision, c'est commercial. Donc c'est devenu eux les ulama, c'est eux qui expliquent ce qui se passe sur la terre. Wattalakou, Al-Kibar. Si c'était vrai, Falimad, pourquoi dans les grandes affaires, on voit c'est jamais le Mufti qui parle, c'est jamais Cheikh Fawzan qui parle, c'est pas Cheikh Roudéan qui parle, c'est pas Cheikh Fawzan qui parle, c'est pas Cheikh Abel qui parle, et d'autres, quand on pourrait en citer d'autres, pourquoi c'est pas qui parle? Pourquoi c'est toujours des Foulan, Bahis, je ne sais pas quoi, Foulan, Mufakir, qui va expliquer ce que la communauté doit savoir, alors que c'est pas vrai. Donc si réellement c'était ça qu'ils recherchaient, ils seraient tout de suite revenus ou quoi, au Kibar Ulama. Donc, parce que c'est le ulama qui vient justement enlever les ambiguïtés. Et les autres sont venus en vérité pour égarer les gens. Wayajibu al-aql al-kamil 'inda hulul al-shahawat. Afwan, wa yuhibbu plutôt. Al-aql al-kamil 'inda hulul al-shahawat. Et la même chose aussi. Donc, il aime ici donc, le raisonnement complet lorsque les shahawat viennent, les passions viennent. Les passions, parce que les autres c'était les ambiguïtés. Wa qad qila aydan wa qad yuhibbu al-shaja'a. ولو على قتل الحياة ويحب السماحة ولو بكف عن التمرات من التمرات يعني بكف من التمرات. Donc ils disent aussi donc il aime donc être à la coule hell, donc être, il aime ceux qui sont doucement courageux, même si c'était par le fait de tuer par exemple un serpent, c'est une façon de parler. Et il aime aussi le pardon, même si c'est par rapport à des dates, ma femme. C'est-à-dire que même si tu n'avais que ça, c'est-à-dire qu'en vérité, tu dois donc pardonner facilement et tu dois être courageux quand il le faut. Parce que pardonner, ce n'est pas un signe en vérité de découragement. Donc, Donc il ordonne de patienter lorsque l'épreuve vient, d'être reconnaissant lorsqu'ils sont dans l'aisance, et d'agréer ce que Allah Azzawajal a décrété. Rida, hein, donc Ibn Qayyim rahimahullah, donc il mentionne lorsque une épreuve vient, lorsqu'il donc il y a comment les gens doivent être. Donc le fait d'accepter maintenant, donc le fait face à personne se soumet à Allah Azzawajal. Il dit après que la personne aussi va être Tashkur Allah Azzawajal, parce qu'il va remercier Allah. Donc il y a des gens qui vont être comme ça. N'importe quel malheur, ils vont remercier Allah. Parce qu'ils disent Allah, il m'a donc donné ce malheur-là, et moi j'en profite pour justement remercier Allah Azzawajal pour être énormément récompensé. Et le plus fort que ça, c'est le rida, l'agrément total de ce que Allah t'a donné. Et ça, c'est le plus fort. Et bien, il dit bien que bien sûr, ce sont que en vérité, une catégorie de personnes qui arrivent à ce niveau, d'agréer totalement ce que Allah a fait de toi, hein, dans justement, même dans un grand malheur. Donc ici on voit bien. On bien rida bi mur al-qada. Et donc il montre les maratib par rapport à cela. Il dit wa yad'una ila makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal. Ils appellent au bon comportement et aux bons actes, aux actes qui sont faits de la meilleure façon. Mahasin al-a'mal. Parce que mumkin wahid yusalli wa thani yusalli. وهو ما عنده إلى قليل من الحسنات وهو يعني حسنته يعني أكثر من ذلك مع أنهم يعني كلهما صلوا pourtant ils ont tous prié deux qui prient pourtant il y en a qui n'aura pas beaucoup de حسنات il y en a qui aura beaucoup plus mais il y en a un qui a mieux fait que l'autre mais حسن justement il a fait de la meilleure façon hein? Il le fait en vérité de la meilleure façon ويعتقدون مع قوله صلى الله عليه وسلم يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Et bien sûr, ils savent d'une croyance, ils croient d'une croyance qui est ferme, hein, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là, que le croyant qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur comportement. Dibuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man harimak wa ta'fu amman dhalamak. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. Donc, en vérité, ils poussent, ils incitent les gens à ce que tu vas nouer les liens avec ceux qui se sont séparés de toi. Il y a quelqu'un qui veut plus te parler. Et des fois, ça arrive que si quelqu'un ne nous parle plus, ben on le laisse. Il ne parle plus. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça? C'est parce qu'on n'a pas utilisé, alors que le fait qu'on n'a pas utilisé quoi? Ce qui nous a appris, ce qui nous a demandé dans l'islam. On va faire ce que notre cœur veut bien, hein, notre hawa, nos passions. Et de donner à celui qui t'a interdit, justement en vérité pour ramener en vérité au contraire, hein, et de pardonner à celui qui a été injuste envers toi. Ils ordonnent aussi d'être obéissant envers les parents, d'être bon et généreux envers les parents, de tisser les liens familiaux, d'être bon avec les voisins, d'être bon aussi donc d'être bon envers l'orphelin, les pauvres, celui qui voyage et se retrouve moussabi, donc celui qui le voyageur qui ne se retrouve avec rien. Il ne sait pas comment terminer son voyage parce qu'il n'a pas les moyens. D'être doux avec l'esclave. Et ils interdisent le fait d'être hautain, d'être vaniteux, ou bien plutôt de se considérer supérieur aux autres. Hein, d'être imbu par exemple, de sa personne. Et ils interdisent aussi la jalousie, la hantise, l'animosité. Et d'être vouloir. Moi, après, toujours d'essayer d'être en vérité au-dessus des autres. Hein, comme ça. En vérité ou en haut. Dans le sens où réellement c'est possible que cette personne a une place plus noble, il est plus noble de façon générale, mais ce n'est pas une raison pour qu'il écrase les autres. Ils vont Donc aussi, ils vont recommander les meilleurs comportements, ils vont interdire les plus mauvais comportements, Donc tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, donc ceci ou cela. Et en vérité, pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas inventé. Ils suivent quoi? Tout simplement le Coran, la Sunna. Donc c'est ça que leur vie, en vérité, c'est toujours le fait d'être, de revenir au texte, de revenir au dalil. وقد تميز أهل السنة بهذه الخصلة الجميلة من كرم الخلق وحسن الهدي والصمت وحرصوا عليها أشد الحرص. Donc bien sûr, en vérité, donc ils vont se différencier, les gens de la Sunna, par rapport à cette caractéristique qui est belle, donc un bon comportement, une bonne vie, dans le sens où en vérité on a une bonne sira, hein, donc un bon hadith, on voit chez lui un bon exemple, par le fait de savoir quand est-ce qu'il doit parler, quand est-ce qu'il doit se taire, et ce qu'il dit c'est que du khed. Donc le salaf, on a bien vu que certains salaf, donc par rapport aux autres, donc ils disent c'est que il ne parle que si, hein, c'est que si en vérité il voit que dans sa parole il y a manfa, il y a un bénéfice. Sinon il parle pas. Sinon il se taise. Luqman, on dit Luqman avec Daoud, prophète Daoud. Quand Daoud il dit à Luqman que quoi? Que il est beau ce cheval, en regardant un cheval. On sait que Daoud aimait les chevaux. Il a simplement dit, et Luqman a dit, se taire, donc c'est bien. Rien que par rapport à ça. Rien que par rapport à ça, il a dit se taire, c'est bien. Tellement en vérité, on sait comment il était hakim, mais comment il était. Donc il montre. Après, bien sûr, donc c'est une façon de comprendre les choses. Hein, ça va, c'est des hauts comportements. Donc il dit se taire, c'est bien. Même dans ça, ils évitent. Maintenant, nous, on va énumérer après toutes les belles voitures qui passeront devant nous. Si on a 25 000 qui passent par jour, on le dira. Elle est belle la Mercedes, elle est belle la BM. Et on connaît tous les chiffres et tous les. Pourquoi? Parce que on ne calcule plus, de façon générale, on a perdu cette notion de calculer ce qui est bon à dire et ce qui est mauvais à dire, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il ne faut pas se taire. Et ça rentre justement dans le bon comportement. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. Certes, donc ils apprennent en vérité, donc on appelle ça le comportement, comme ils apprenaient la science. Donc, comment on va se comporter, comment se tenir et la khéli, de la même façon qu'ils apprenaient la science, ils apprenaient cela. وقال حبيب ابن شهيد لابنه يا بني أتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من آدابهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. Donc Habib ibn Shahid dit à son fils: Oh mon fils, va chez les fuqaha et les ulama, donc les jurisconsultes et les ulama, et apprends d'eux, hein, et prends de leur comportement, de leur bon comportement, de leur vie, de leur compte, c'est-à-dire de leur façon de leur manière d'agir, leur manière de se comporter, car cela est meilleur pour moi que beaucoup de hadiths. C'est-à-dire que ce n'est pas que la science toute seule. C'est pour ça que notre il a parlé de certains fuqaha et de certains muhadith. Donc ils ont bien dit que ces gens-là, pour qu'ils en vérité arrivent à être encore plus complets, hein, donc ils devraient justement, par exemple, le fait, ceux qui parlent quand on dit muhadith, dans le sens par rapport à ne s'arrêter que ceux qui étaient bien entrés dans les règles de tout ce qui est mustalahat et de lire beaucoup, hein, justement ces gens-là, qui doivent beaucoup lire quoi? Justement la vie du prophète Sassam ainsi que la vie des plus prédécesseurs. Afin justement de profiter de ça, parce que si on fait que ça, et si on faisait que hein, avec la règle de Usul Fiqh, ça, telle règle, ça veut dire ça veut dire haram, halal, et on oublie le reste, et ben on va pas, il disait qu'ils ne vont pas justement être complets par rapport au comportement. Par rapport au comportement. Afin en vérité de montrer que tout doit être pris. C'est ça qu'il voulait dire. Donc Cheikh Ibn Qayyim rahmatullah alayh, que tout doit être pris, justement. Et c'est justement les savants les plus complets, c'est eux ceux qui ont tout pris. Donc celui qui s'arrête qu'à un domaine, il ne va pas réussir en vérité à profiter de tout. Tandis que les ulama salaf, non, eux, ils ont tout pris. Le fiqh, le hadith, ceci, cela, mais ils ont bien sûr tout pris. Et surtout, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sous toutes ses facettes. Donc ici, faqtad as-salaf as-salih. رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا أو عفوا وتخلقوا بأخلاقه وامتثلوا ما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه وكانوا كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. Donc les plus prédécesseurs, ils ont justement suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le comportement. Et ils se sont imprégnés de son comportement. Et ils ont mis en application ce qu'il a mis en application. Donc, et ils se sont arrêtés là où ils s'arrêtaient. Et ils sont, comme Allah Azza wa Jalla dit, donc, certes, donc vous étiez la meilleure communauté qui a surgi de par les gens. Dans une parole, je sais qu'ils disent que l'imam Abu Daoud ressemble à l'imam Ahmed. Et il y a une lignée. Et ils disent que l'imam Ahmed ressemble à Abdallah ibn Mas'ud. Et ils disent que Abdallah ibn Mas'ud ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au comportement. Ils disent qu'Abu Daoud ressemble à Ahmed. Ahmed ressemble, il y a quelqu'un dans la lignée, Nasit. Moum, il y a une personne, j'ai oublié. Après, il parle de Abdallah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, et il dit qu'Abdallah ibn Mas'ud ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. Regardez ce que dit l'imam Malik رحمه الله. Il dit que on m'a dit que les Nasara, les chrétiens, lorsqu'ils voyaient que les compagnons donc, faisaient les futuhat fi Sham, ils ont dit والله que ces gens-là sont meilleurs que les apôtres. C'est ce qu'on dit les apôtres, donc les compagnons hein, de Isa, de ce qu'on a appris. De ce qui nous a été donc annoncé par rapport à eux, ils avaient des bons comportements, hein, mais simplement les sahaba, ils sont encore meilleurs. Parce que ce sont les meilleurs compagnons avec le meilleur prophète. Les compagnons du prophète, certains, ils sont meilleurs que tous les compagnons de tous les autres prophètes. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à cela. وقال الحسن البصري إن كان رجل لا يخرج في أدب نفسه سنتين ثم سنتين. Donc si seulement l'homme sortait en vérité pour renforcer son comportement, hein, ben pour obtenir un comportement deux fois et puis deux fois. Donc on dira à ceux qui veulent sortir trois jours, sortez deux fois et prenez le comportement. Hein, deux, donc c'est Afwan. Sanatène, Afwan. Deux ans et puis deux ans. Sort deux ans, il n'est pas en vérité, par exemple, apprend le comportement du prophète deux ans, il revient, il repart encore deux ans. Mais maintenant en vérité, il y a beaucoup à faire. Waqil al Shafi'i, kayfa shahwatuk lil adab. فقال اسمع بالحرف منه مما لم اسمعه فتود اعضائي ان لها اسماعا فتنعم به قيل وكيف طلبك له قال طلب المراه المضله ولدها وليس لها غيره. Donc ici l'imam Shafi'i dit rahmallah, quelles sont tes passions pour le comportement, comment tu aimes le comportement. Il dit j'écoute ne serait-ce qu'une lettre de ce comportement, de ce que je n'ai pas entendu. Et tous mes membres veulent que, donc justement, écouter pour qu'elles profitent de ça. Pour que tous ces membres veulent donc profiter de ce qu'ils ont, de ce qu'ils entendent. Et on lui dit, et comment tu recherches cela? Il dit, je la recherche de la même façon que la mère qui va rechercher Akulhan al-Mudillah, c'est-à-dire que la mère qui va rechercher son enfant qui a été perdu, qui a perdu son enfant, et c'est son enfant unique. Donc une mère qui perdrait son enfant unique, elle serait comment en train de le rechercher? Hein, donc comme une folle, on va dire, comme c'est-à-dire de façon absolue, hein, sans, on va être sans relâche. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que les mêmes chevaliers disaient qu'ils recherchaient le comportement sans relâche. وذكر الذهبي أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5000 خمسة يكتبون والباقون يستمدون من صمته وخلقه وأدبه. الإمام الذهبي رحمه الله dit que il y avait 5000 personnes qui s'assiedent chez l'imam Ahmed. 500 écrivent et le reste profite de quoi? De son comportement. De comment il se tait. Hein, parce qu'on sait qu'ils ont des longs moments de silence. Son comportement et donc sa façon d'agir. Et résultat? Hein? 8 minutes. Ouais, je vais passer en bas. Donc on a vu le fas et le khamis, et on passe au fas et le sadis. الانتساب لأهل السنة والجماعة. Quand il parle d'intisab, donc c'est tahqiq al-intisab. Donc le fait donc de se dire hein, des gens de la sunna du consensus. En vérité, de voir donc d'appartenir à l'appartenance aux gens de la sunna du consensus. Et c'est donc lorsqu'ils disent qu'ils font partie de cela, c'est parce que justement ils concrétisent et réalisent cela. إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات فهو الطريق النجاة والعصمة في الدنيا من الفرقة من الفرقة والبدعة والذهاب الريح. Certes, mettre en pratique ou concrétiser donc de façon personnelle ou bien si on est en groupe le fait de d'appartenir aux gens de la Sunna et du consensus, c'est parmi donc les choses les plus importantes, dans le sens où la personne, donc c'est les préoccupations les plus importantes. Et c'est la voie donc de la réussite, d'être le sauvé, d'être béni, la sauvé, donc dans la vie d'ici-bas, dans la vie d'ici-bas par la division, hein, et par aussi le fait d'être sauvé contre la division, d'être sauvé de la bida, donc de l'innovation, et de perdre ses forces. Zihabarich, bimana, perdre en vérité les forces qui sont retrouvées dans l'entité. Si chacun est dans son coin, donc ça ne veut plus rien dire. Et c'est la voie donc de la réussite dans l'au-delà, contre bien sûr le châtiment. Non, contre le châtiment, après aussi le malheur. Yaqulu Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous ensemble, donc à la hanche solide, et ne vous divisez pas. La dernière fois, on a vu ce que ça voulait dire, le habl. Hablullah, donc on avait vu donc le Coran, la Sunna, le Coran, l'islam. Hein, donc on avait vu tout ça. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ طَرِيقُ الْإِسْلَامِ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ مَنْهَجُهُ الْقَوِيمِ فَيَقُولُ تَعَالَى وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc comment tu vas réussir à concrétiser cela si ce n'est que par le fait de suivre donc l'islam authentique, l'islam qui est droit, et donc la voie aussi qui a déjà été tracée. Et certes, Allah Azzawajal donc dit, certes, voici ma voie droite. Suivez-la et ne suivez pas les voies qui vont vous diviser de cette voie. Voici donc une recommandation forte, c'est un ordre, on va dire ça comme bien, c'est un ordre, afin que vous atteigniez la crainte. Parce que taqwa, elle ne va pas venir par les autres. La taqwa, elle ne vient pas par la bid'a. Voilà au ta'iban nes, même si les gens ils se fatiguent, tout simplement. Le bid'a, les sassabil et la taqwa. Mais l'ex, il a le bourd min Allah Azzawajal. Le bord ou le bord. Donc ça en vérité, tu vas te retrouver à t'éloigner d'Allah Azzawajal et tu vas aussi être détesté d'Allah Azzawajal. Donc parce que tu as commis malgré que même si tu fais énormément d'efforts par rapport à cela. Wa qad fussila ba'd al-ulama salat al-mustaqim bi sunnah wal jama'a. Comme a قال يعني Suyuti fi al-itqan fi ulum al-Qur'an. Donc salat al-mustaqim, certains ulama ont dit, donc certains salafs, ils ont dit que c'était al-sunnah wa al-jama'a. Fa intisabu ila ahl al-sunnah wa al-jama'a wa al-salaf al-salih, yani al-intisab ila al-islam al-safi an al-shawa'ib, an al-shawa'ib al-bida' wa mukhalafat al-firaq. Donc le fait de se dire et d'appartenir aux gens de la sunnah du consensus et des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire le fait d'appartenir à l'islam qui est pur, originel, et qui est bien sûr pur, donc est exempt donc des saletés, hein, des bidats, et ainsi que tout ce le mukhalafat, donc tout ce qui a été en contradiction de ce qu'ont amené en vérité donc les sectes. Wa inna kulla man raja billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula muqbilan ala al iltizam bil islam jumlatan wa ala tahkim al shari'atahu istislaman wa inqiyadan wa bariya من تبني مذهب بدعي أو الانتساب إلى الفرقة الضالة أو الاعتماد أصلا كلي من أصول البدع فهو من أهل السنة والجماعة إجمالا. Donc celui donc qui va ici donc reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla est son, donc il va agréer qu'Allah Azza wa Jalla est son Seigneur et que l'islam est sa religion et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, son messager, il va accepter donc d'être assidu à l'islam de façon générale et de juger et d'accepter donc la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la législation, et il va s'y soumettre, et il va y être dévot. Donc il va bien sûr, et il va aussi s'innocenter hein, de ce qu'ont amené donc les madhhab bid'iyya, donc il ne va pas être jahmi par exemple, il ne va pas être mu'tazili, il ne va pas être khariji, il ne va pas être murji par exemple, ou il ne va pas non plus appartenir à ces gens-là. Il ne va pas dire moi je suis musulman mais j'accepte ça, hein, il va dire moi je suis comme eux. Ou il va donc s'accrocher et revenir à une base générale, donc As-Kulli, hein, parmi les bases de la bid'a, donc Usul al-Bida, et on sait bien justement, donc j'ai mentionné donc, tout à l'heure, donc, parce que lorsqu'on parle de Usul al-Kulli, on parle de Rawafid ou bien le Khawarij ou bien le Murji'a et le Qadariya. Donc, il fait partie, donc celui qui a rejeté ces gens, il fait partie des gens de la Sunna et Kota, la Sunna al-Jama, in Ijmal. وهذا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينصروا لم يمضوا تحت راية بدعيات ولم يكثروا السواد فرقة غير مرضية. C'est pour tout le monde, ça de façon générale, ça, c'est même ceux qui n'ont pas spécialement la science dans l'islam. Là, qui lui, il se dit je suis un sunnite et il accepte pas les bidas de façon générale. Il accepte la sunna, il accepte pas les bidas, même s'il connaît pas bien ces sujets-là. Mais عوام أهل السنة, donc on sait que c'est des gens de la sunna. Il ne fait pas partie, donc il ne se dit pas Rafidi, il ne se dit pas Khariji, il se dit ah, je suis sunnite normal. Donc il fait, pas, il fait partie de cela. فهذا القدر يعني يحقق انتسابا اجماليا تصح به النسبه الى اهل السنه والجماعه. Donc rien que cela, le fait donc hein, فهذا القدر, donc cela suffit pour dire en réalité que donc de façon générale pour dire que celui-là fait partie de la sunna والجماعه. نعم. وتتجلى اهميته هذا الانتساب وأهمية هذا الانتساب وتظهر ثمرته يعني في أمور منها. Donc ici l'importance de l'intisab, donc de cette appartenance et ses fruits, on va les voir dans certains points. أن الضبط أصول أهل السنة وتمسك بها عصمة من الاضطراب وتخبط العلمي والعملي. Le fait de donc justement d'avoir des règles et de les mettre en pratique, de les connaître, parce qu'elles sont bien délimitées. Elles sont ici délimitées, donc par rapport aux bases des gens de la Sunna et du consensus, de savoir où elles commencent et où elles se terminent, donc de les délimiter, comment elles sont venues de façon originelle. Donc c'est une protection contre les tarab, le doute, et trabout, l'ilmi, c'est-à-dire de mélanger dans la science. Il y a des gens, ils n'ont pas de. Celui qui n'a pas de règles religieuses solides. Dans la science, il va prendre n'importe quoi, n'importe comment, il s'en fout. Ça ne le dérange pas. Il va accepter de qui il veut. Parce qu'il n'a pas de règles religieuses. Il ne sait pas comment faire ça. Donc automatiquement, ses actes et sa science elles seront donc faussées. وَفِي ذَلِكَ مَا لَيَخْفَى مِنْ حِذِ الدِّينِ مِنْ أَنْوَى التَّحْرِفِ كَافَ وَمُوَاجَهَةِ طَيَارَاتِ الْبِدْعِيَةِ الْمُنْحَرِفَةِ سَوَاءٌ soit le qadima minha ou le mu'asira. Donc cela bien sûr, donc on voit bien qu'il est obligatoire à Kulhel de protéger la religion contre tout type donc d'égarement de façon générale. Tous les égarements possibles qui existent, on est obligé de prévenir contre. Donc s'il y a des ulama qui vont plus parler d'autres que cela, ça ne veut pas dire que c'est des ulama qui ne font que ça. Mais il y a des problèmes qui arrivent, des nouvelles bid'a qui arrivent, ou bien des nouvelles fitaines qui arrivent, et que certains préviennent contre cela, c'est un khair, bien au contraire. Alhamdulillah, qu'il y a des gens qui font ce travail-là. C'est une ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui sont rares, ce sont des élus, plutôt. Et ils vont se faire face, justement, à ces courants, qui sont donc innovateurs et égarés. Que ces courants soient anciens ou nouveaux. Il y a des gens qui ramènent maintenant, jusqu'à maintenant, des choses nouvelles. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle intima et sadiq ila hadi ta'ifa al mubaraka huwa fi haqiqatihi sabab wa sabil qasid yani li wahdat al amilin fi haqli da'wati ila Allah azza wa jalla fi kulli zaman wa makan li'anna al ijtima' ala hadha al intima anjah wa anfa' min al ijtima' ala rayati hizbiyya aw da'wati iqlimiyya li'annahu اجتماع على منهج الحق والاتباع وليس على حساب الحق والاتباع. Donc ici le fait d'annoncer son appartenance de façon véridique à cette voie qui est bénie, c'est justement par rapport à ça, en réalité c'est justement un sabab, une cause pour justement une cause qui va être en vérité, donc bien sûr, faite exprès, afin que. Et on voit bien que ici, on voit donc l'entité de ceux qui font cela. L'entité de ulama, justement, qui appelle al-haq. Tous les ulama qui appellent al-haq, tous s'aiment bien les uns vers les autres. Tous les ulama qui aiment, donc qui appellent al-haq, on les verra donc aimer fortement hein, les ulama. de façon agi, parce qu'ils savent que c'est, il y a que le alim qui connaît réellement la valeur du alim. Donc il y a justement, il y a ça, on voit, donc là on voit l'entité de par ça. Et que ce soit dans tous les temps ou dans tous les endroits, même s'ils habitent, donc même s'ils n'habitent pas, donc dans le même pays, ou bien même s'ils n'ont pas vécu à la même époque. Mais on voit le respect et l'amour profond qu'ils ont les uns envers les autres. Et cette façon donc de se réunir, c'est celle qui va donc donner le plus de réussite, anja, et celle qui est le plus profitable que le fait de se réunir autour d'une devise, par exemple. Donc on dira Yahizbiya, d'un parti politique ou d'une devise, ou d'une da'wah qui s'arrête à un endroit. D'une da'wah qui s'arrête à un endroit. Je donne un exemple. Quelqu'un, c'est dans le sud, c'est un français d'origine. Ils sont venus du bled les gens, donc le Maghreb al-Arabi, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, ou la Tunisie, c'est pareil. Ils sont venus de là-bas, et ils ont appris l'islam à ce nouveau, à ce converti. Ils ont appris à lui parler que de l'endroit où ils vivent et de ce qui se passe là-bas. Et de ce... Mais ça, ce que lui, il a cru que l'islam, ça s'arrêtait. Hein. Alors, ils n'ont pas voulu faire de moi un musulman, ils ont voulu faire de moi, pour ne pas citer à couler le pays. Ils ont voulu faire de moi un Algérien, ou bien un Marocain, ou bien un Tunisien. Est-ce que ça, c'est l'islam, ça? Est-ce que Rasoul Sami a appelé les gens à être Algériens, ou bien Marocains, ou bien Tunisiens, ou bien Saoudiens, là, ou bien Yéménites? Là, il a appris à ce que les gens soient des musulmans. Et c'est ce qu'ils ont fait au français, il lui a fallu 2 ans, mesquine. 2 ans pour qu'il se rende compte de cela, alhamdoulilah. C'est un crêpe, c'est normal, les gens. Donc, ils l'ont bourré les crânes jusqu'à ce que lui, mesquine, ne comprenne plus rien. Alors que ce n'est pas ça l'islam. Donc, ce n'est pas dawa ikhlimiya. C'est en vérité appelé, donc comme on l'a dit à l'islam, la même prière, le même hajj, le même jeûne, il a khili hada. Donc, ici, appelé justement, donc, parce que c'est justement, ils vont se rassembler autour de la religion d'Allah Azza wa Jal, par le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas contre la vérité. Et ça, à la hisab al-haq. J'utilise le nom d'islam, mais je montre aux gens que l'islam, il y a un problème. Moi, je vais l'utiliser en tant que, je veux dire, je suis musulman, je veux dire que je t'appelle à l'islam authentique, mais en vérité, je t'appelle à un islam qui n'est pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu. Donc, réellement, est-ce que la personne, elle est sincère dans sa da'wa? Troisième point. Thumma inna sharafa tahdid al-din alladhi akhbara bihi khatam al-anbiya wal-mursalin wa la yata'atta ala wajhihi al-akmal wa suratihi al-mufla illa min al-firqa al-najiya wa al-ta'ifa al-mansura ahl sunnah wa al-jama'a ith fihim al-a'imma al-muttaqun wa minhum al-mujaddidun al-muslihun. Donc ici sharaf al-tahdid, donc le tajdid plutôt, afwan, tajdid al-din. Donc, qui est-ce qui fait revivifier la religion de façon générale? Quand on regarde fit tarikh al-islam, ida nazartum ila tarikh al-islam, tajidun yani fi ba'd al-azmila, l'islam da'if jiddan. Man ja hunak wa yani rafa rayat al-islam mathalan, Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahmoullah, Imam Ahmad Cheikh Islam ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmoullah, wa kathir, hein? Nan. Kifa jaw? Hakada. كان هناك الإسلام ضعيف يعني البدع تدخل وهم راجعوا وعلموا الناس يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. donc ici donc le tajdid de la religion comme l'a annoncé le prophète صلى الله عليه وسلم, donc le dernier des prophètes, il n'est pas venu donc de façon complète et comme l'a fait le prophète صلى الله عليه وسلم aussi, donc avec sa meilleure image, que par justement ce qu'on appelle Al-Farqa An-Najiya, donc le groupe sauvé. La voix, donc la voix, ou bien le groupe sauvé, les gens de la Sunna du consensus, les imams qui étaient pieux, et aussi Mujaddidoun, ceux qui en vérité ont revivifié les Muslihoun, ceux qui ont arrangé les choses de la meilleure façon. C'est déjà la dernière? Donc je vais terminer, Inch'Allah, il ne reste même pas 5 minutes, et après c'est terminé. Comme ça, on a terminé le truc, le sujet. وبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي يطرح ويطرح نفسه هو بما يتحقق الصدق الانتساب وتمامه إذا تحقق أصله وأساسه. Donc la question, c'est justement comment en vérité on va concrétiser réellement justement le fait d'appartenir à cela, hein, si réellement donc pratiquer, si on a réalisé par exemple donc l'origine. هل يتحقق ذلك بإثاره قضية أو قضايا يعني ناقشها السلف يعني وعجلها في كتبهم ومقالاتهم في زمانهم وفقط قوم يتأكد بإظهار محبتهم وتردي عنهم وتعطير لمجالس يعني بذكرهم أو حسب أو لعل هذا الانتساب يكون يعني يتبنى كتبهم والتوفر يعني على قراءتها وتدريسها دون غيرها أم أن الانتماء لهم يتحقق بمجرد التسمي باسم أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو السلف الصالح أو الفرقة الناجية إلى غير ذلك من الإجابات المنقوصة ولهذا السؤال مهم والحق أن كمال الانتساب يكون يعني بتبني جملة الأصول ومعالم مجتمعة وبقدر ما يقع من الضعف في الأخذ بها جميعا بقدر ما يحصل من الوهم في هذه النسبة الشريفة ويمكن إجمال هذه المعالم والنقاط في النقاط التالية. Donc ici c'est une question et la réponse elle est longue. Donc on va arrêter. Donc je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien de donner la question. Si la réponse ça sera dans un autre cours. Donc on reprendra ça à coup de hal. Donc plus tard. On reprendra ça à coup de hal plus tard. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.